Chapitre 9e. Revenons maintenant à la suite de notre narration et à Adeline qui fut transportée de la cour de justice chez Madame Lamothe. Cette dernière était cependant au Châtelet avec son mari, éprouvant toutes les angoisses que la sentence prononcée contre lui pouvait lui faire sentir. La délicate Adeline, depuis si longtemps harassée par la douleur et la fatigue, succombait pour ainsi dire sous le poids des différentes émotions occasionnées par la découverte de sa naissance. Elles étaient dans ce moment trop compliquées pour être susceptibles d'une analyse. De l'état d'orpheline, vivant des bienfaits des autres, sans famille, n'ayant que peu d'amis, et poursuivie par un ennemi cruel et puissant, elle se trouvait soudainement la fille d'une illustre maison et héritière de biens immenses. Mais elle apprenait en même temps que son père avait été assassiné, assassiné à la fleur de son âge, assassiné par les ordres d'un frère, obligé de comparaître contre ce frère, et de causer la mort de son oncle en faisant punir le meurtrier de son père. Lorsqu'elle se rappelait le manuscrit si singulièrement trouvé, et qu'elle considérait que les larmes qu'elle avait alors répandues étaient des larmes qu'avait coulées pour les souffrances d'un père, il est impossible d'imaginer les émotions qu'elle éprouvait. Les circonstances qui avaient accompagné la découverte de ses papiers ne lui parurent plus avoir été l'effet du hasard, mais celui d'une puissance surnaturelle dont les desseins sont grands et justes. « Oh, mon père, s'écria-t-elle, vos derniers souhaits sont accomplis. Le cœur sensible que vous désiriez pour faire connaître vos souffrances les vengera. » Lorsque Madame Lamothe revint, Adeline s'efforça, comme à l'ordinaire, de réprimer ses propres émotions afin d'apaiser l'affliction de son amie. Elle raconta ce qui s'était passé dans la cour de justice après le départ de Lamothe et par ce moyen jeta une lueur momentanée de satisfaction dans le cœur affligé de cette misérable femme. Adeline prit tous les moyens possibles de recouvrer le manuscrit. Elle fut informée que Lamothe, dans le trouble de son départ, l'avait laissé, avec plusieurs autres choses, à l'abbaye. Cette circonstance lui causa beaucoup de chagrin, d'autant plus qu'elle croyait que ses papiers pourraient être de la plus grande importance dans l'instruction du procès. Elle résolut néanmoins, en cas qu'elle parvint à recouvrer ses droits, de faire chercher ce manuscrit avec le plus grand soin. Sur le soir, Louis rejoignit ses deux affligés. Il venait de quitter son père, qui l'avait laissé plus tranquille qu'il n'avait encore été depuis la fatale sentence. Après un souper triste et silencieux, ils se séparèrent pour la nuit, et Adeline eut le loisir de méditer sur les découvertes de ce jour plein d'événements. Les souffrances de feu son père, telles qu'elle les avait lues tracées de sa propre main, faisaient la plus grande impression sur son esprit. Le récit l'avait autrefois tellement affecté et avait si fort intéressé son imagination que sa mémoire lui rappelait actuellement toutes les particularités dont il était fait mention. Mais quand elle réfléchissait qu'elle avait été dans la chambre où son père avait éprouvé tant de maux, ou même il avait été immolé, et qu'elle avait probablement vu le poignard qu'il avait frappé, qu'elle l'avait vu empreint de rouille, d'une rouille ensanglantée, il lui était impossible d'adoucir l'agonie et l'horreur de son âme. Le jour suivant, Adeline reçut ordre de se préparer pour le procès du marquis de Montalt, qui devait commencer aussitôt que les témoins seraient rassemblés. Parmi ceux-ci était l'abbesse du couvent qu'il avait reçue des mains de Donois. Madame Lamothe, qui était présente quand Dubos avait forcé son mari à prendre Adeline, et Pierre, qui avait non seulement été témoin de cette circonstance, mais qui l'avait transportée de l'abbaye en Savoie afin de la soustraire au dessein du marquis. La disposition de la loi empêchait Lamothe et Théodore de rendre leur témoignage. Lorsque Lamothe fut instruite de la découverte de la naissance d'Adeline et que son père avait été assassiné à l'abbaye de Saint-Clair, il se souvint sur le champ et fit mention à sa femme du squelette qu'il avait trouvé dans la chambre en pierre allant aux cellules souterraines. L'état dans lequel il l'avait trouvé, caché dans un coffre au fond d'une chambre obscure bien fermée, ne laissa aucun doute ni à l'un ni à l'autre que ce ne fussent les restes du feu marquis. Cependant, Madame Lamothe résolut de ne pas choquer Adeline par le récit de cette circonstance jusqu'à ce qu'il fût nécessaire de la déclarer. À mesure que le moment d'instruire ce procès s'approcha, la détresse et l'agitation d'Adeline augmentèrent. Quoique la justice demandât la vie du meurtrier, et quoique la tendresse et la pitié que lui inspirait l'idée de son père la pressassent de venger sa mort, elle ne pouvait sans horreur se regarder comme l'instrument de cette justice qui devait priver son semblable de l'existence. Et il y avait des temps où elle désirait que le secret de sa naissance n'eût jamais été révélé. Si cette sensibilité, dans les circonstances particulières où elle se trouvait, était une faiblesse, c'était au moins une faiblesse vertueuse et qui, comme telle, mérite d'être respectée. Les nouvelles qu'elle recevait de vassaux au sujet de la santé de M. Laluc n'étaient guère propres à la tranquilliser. Les symptômes dont Claire faisait mention semblaient annoncer qu'il était dans le dernier degré d'une consomption, et son chagrin et celui de Théodore à cette occasion étaient peints dans ses lettres avec cette vivacité éloquente qui lui était naturelle. Adeline aimait et respectait Laluc à cause de son propre mérite et de la tendresse paternelle qu'il lui avait témoignée, mais il lui devenait encore plus cher parce qu'il était père de Théodore et l'intérêt qu'elle prenait à sa santé n'était pas inférieur à celui de ses enfants. Ce qui augmentait encore son chagrin, c'était la réflexion qu'elle avait peut-être contribué à abréger ses jours, car elle ne savait que trop bien que la douleur que lui avait causée l'état dans lequel elle avait eu le malheur de plonger Théodore avait aggravé ses infirmités actuelles. La même cause l'avait aussi empêché de chercher dans le climat de Montpellier le soulagement qu'on lui avait fait espérer. Quand elle considérait la condition de ses amis, cette considération l'accablait. Il lui semblait que c'était sa destinée d'entraîner dans le malheur tous ceux qui lui étaient les plus chers. Quant à Lamothe, quels que fussent ses vices et quels que puissent être les desseins dans lesquels il avait autrefois trempé contre elle, il se trouvait tous effacés par le service qu'il lui avait finalement rendu. Et elle croyait qu'il était autant de son devoir d'intercéder en sa faveur qu'elle s'y sentait portée d'inclination. Dans sa situation présente, elle n'avait cependant guère d'espoir de succès, mais en cas que le procès, duquel dépendait le rétablissement de son rang, de sa fortune et conséquemment de son influence, fut décidé en sa faveur, elle avait résolu de se jeter aux pieds du roi et, en plaidant la cause de Théodore, de demander la grâce de Lamothe. Quelques jours avant l'instruction du procès, on vint annoncer à Adeline qu'un étranger désirait lui parler, et lorsqu'elle entra dans la chambre où il était, elle reconnut M. Verneuil. Son visage exprima tout à la fois sa surprise et sa satisfaction de cette visite inattendue, et elle lui demanda, quoiqu'avec peu d'espoir d'une réponse affirmative, s'il avait eu des nouvelles de M. Laluc. « Je l'ai vu, » dit M. Verneuil, « j'arrive de Vassaux, mais je suis fâché de n'avoir rien de satisfaisant à vous apprendre sur sa santé. Il est bien changé depuis la première fois que je l'ai vu. » Adeline put à peine retenir ses larmes, car ses paroles lui rappelèrent le souvenir des malheurs qui avaient occasionné ce changement déplorable. M. Verneuil lui remit un paquet de clercs. En le lui présentant, il dit « Outre cette recommandation auprès de vous, j'ai un droit d'un autre genre que je m'honore de réclamer, et qui justifiera peut-être la permission que je demande de vous parler de vos affaires. » Adeline s'inclina, et M. Verneuil, avec l'air de la plus tendre sollicitude, ajouta qu'il avait entendu parler des dernières affaires du Parlement de Paris et de la découverte qu'il a regardée de si près. « Je ne sais, dit-il, si je dois vous féliciter ou m'attrister avec vous dans cette situation critique. J'espère au moins que vous croirez que je prends la plus grande part à tout ce qui vous concerne. Et je ne puis me refuser le plaisir de vous instruire que j'étais parent, quoiqu'il éloigné, de feu la marquise votre mère, car je ne puis douter que ce ne fût votre mère. » Adeline se leva précipitamment et s'avança vers M. de Verneuil. La surprise et la satisfaction ranimèrent son visage. « Est-il bien vrai que je vois un parent ? » dit-elle d'une voix douce et tremblante, « et un parent que je puis regarder comme ami. » Les larmes lui vinrent aux yeux, et elle reçut en silence l'embrassement de M. Verneuil. Pendant quelque temps, son émotion ne lui permit pas de parler. Cette découverte était aussi agréable à Adeline qu'elle était inattendue. Elle qui, depuis sa tendre enfance, avait été abandonnée à des étrangers, elle qui avait toujours passé pour orpheline, qui n'avait connu un père que depuis si peu de temps, mais qui ne l'avait trouvé que dans la personne du plus cruel de ses ennemis. Après avoir combattu quelque temps les différentes émotions qui se précipitaient vers son cœur, elle demanda permission à M. Verneuil de se retirer, jusqu'à ce qu'elle fût un peu remise. Il voulut prendre congé, mais elle le pria de rester. L'intérêt que M. Verneuil prenait à ce qui regardait Laluc, intérêt fortifié par l'estime toujours croissante qu'il avait conçue pour Claire, l'avait attiré à Vassaux, où il avait été informé de la naissance et de la situation singulière d'Adeline. Après avoir appris ses particularités, il était aussitôt parti pour Paris, afin d'offrir sa protection et son assistance à sa nouvelle parente et de tâcher, s'il était possible, d'être utile à Théodore. Adeline revint peu de temps après et put alors soutenir une conversation sur sa famille. M. Verneuil lui offrit son appui et ses soins, en cas qu'ils fussent nécessaires. « Mais je me fie, ajouta-t-il, à la justice de votre cause et j'espère qu'il n'aura pas besoin d'aide. Vos traits prouveront suffisamment votre naissance à ceux qui connaissent la feu marquise. Pour preuve, que dans ce cas-ci, mon jugement n'est pas influencé par le préjugé. La ressemblance m'a frappé lorsque je vous ai vu en Savoie, quoique je ne connusse la marquise que par son portrait. Et je crois avoir dit à M. Laluc que vous me rappeliez souvent la mémoire d'une parente décédée. Vous pouvez vous-même en juger, ajouta M. Verneuil en tirant une miniature de sa poche. C'était là votre mère. Adeline changea de visage, reçut avidement le portrait, le contempla longtemps en silence, les yeux baignés de larmes. Ce n'était pas la ressemblance qu'elle considérait, mais le visage, la douce et belle figure de sa mère, dont les yeux bleus, pleins d'une douce tendresse, semblaient inclinés sur les siens, tandis qu'un doux sourire folâtrait sur ses lèvres. Adeline pressa le portrait contre les siennes et le contempla encore en silence. À la fin, elle dit, en poussant un profond soupir, « C'était sur moi là, ma mère. Oh, si elle avait vécu, mon pauvre père, vous n'auriez pas péri. » Cette réflexion l'accabla et elle fondit en larmes. M. Verneuil n'interrompit pas sa douleur, mais lui prit la main et s'assit sans rien dire auprès d'elle jusqu'à ce qu'elle fût plus calmée. Regardant encore le portrait, elle le lui présenta en hésitant. « Non, dit-il, il est avec celle à qui il appartient. » Elle le remercia avec un sourire d'une douceur au-delà de toute expression, et après quelques conversations sur son procès, dans lequel elle pria M. Verneuil de l'aider de sa présence, celui-ci se retira en demandant permission de continuer ses visites. Adeline ouvrit alors le paquet et vit encore une fois les caractères bien connus de Théodore. Elle éprouva pendant un moment les mêmes sensations que si elle eût été en sa présence et une rougeur involontaire se répandit sur son visage. Elle rompit le cachet d'une main tremblante et lut les plus tendres assurances et les sollicitudes les plus affectueuses de son amour. Elle s'arrêta souvent pour prolonger les douces émotions produites par ses promesses réitérées, mais, tandis que des larmes de tendresse roulaient dans ses yeux, le souvenir cruel de son triste état se présentait et les faisait amèrement couler dans son sein. Il la félicitait, avec une délicatesse toute particulière, de la perspective qu'elle avait alors devant elle. Il exprimait tout ce qui pouvait contribuer à l'animer et à la soutenir, mais il évitait de s'arrêter sur sa propre situation, excepté pour témoigner sa reconnaissance du zèle et de la tendresse de son commandant et pour lui dire qu'il ne désespérait pas d'obtenir sa grâce. Cet espoir, quoique exprimé faiblement et dans le dessein évident de consoler Adeline, ne manquait pas de produire l'effet désiré. Elle cédait à son influence enchanteresse et oubliait pour un temps les divers sujets de soins et d'inquiétudes dont elle était environnée. Théodore ne parlait pas beaucoup de la santé de son père. Ce qu'il en disait n'était pas aussi décourageant que les récits de Claire, laquelle, moins soigneuse de cacher une vérité qui devait faire de la peine à Adeline, exprimait, sans réserve, toutes ses appréhensions et tous ses sentiments.